poesía china, de la poesía de la China. Le vagabond dort sans se revêtir. Le ciel autumnal n'est fini d'éclaircir. Trépasse les rideaux, la lumière de la lune. L'on entend la murmuration au loin de l'eau du fleuve. Il est erratique, en train de faire des calculs. Il n'a pas de vêtements ni de nourriture. Quand il termine son voyage, il aura recours à des amis. Son ancienne épouse lui écrit des lettres et encore des lettres. Lui, il conteste qu'il pense pas encore à un retour. Tu fus. Une bonne porte un poulet à vendre au marché. Le poulet cadenassé lance des cocoricots de désespoir. À la maison restent d'autres poulets qui picotent des graines et des vers sans soupçon que les compagnons est destiné au chaudron. Pour l'homme, toutes les créatures vivantes sont des mêmes. J'ordonne à la bonne qu'elle décadenasse les poulets. Sa femme n'est pas encore arrivée. Je suis avec les regards les fleuves qui roulent au pied du pavillon. Tu fus.